Bonjour, le moment m'a paru opportun pour vous proposer une émission qui avait été diffusée pour la première fois le 29 juillet 2000 et qui s'intitulait « Vacances, vacances, le désir de rivage au XVIIIe et au XIXe siècle », mon invité étant Alain Corbin. Britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge. Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin. Allongé sur la plage, les cheveux dans les yeux et le nez dans le sable, on est bien tous les deux. C'est l'été, les vacances. Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage. Les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions. Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour, voici venu le temps des grandes migrations saisonnières, des vastes mouvements estivaux en direction des plages et des îles. Et cette attirance conjoncturelle et récurrente vers la mer appelle à dépasser, il me semble, la naïveté d'une fausse évidence. Alain Corbin, professeur à la Sorbonne, est aujourd'hui mon invité pour parler avec moi de ce désir de rivage auquel il a consacré un beau livre et dont l'histoire réserve bien des surprises et recèle bien des enseignements sur l'évolution des sensibilités collectives. La mer lave et nettoie toute souillure humaine, nous disait déjà Euripide dans Iphigénie en Tauride, est précisément un drame du bord de mer et des navires en partance dont les voiles tardent à se gonfler. Guérir l'âme, guérir le corps, il a fallu à vrai dire beaucoup de temps pour que les hommes arrivent à penser que l'océan pouvait le faire. Et une comparaison entre notre fin du XXe siècle et les deux qui l'ont précédé permet de distinguer, d'éclairer précieusement quelques permanences et aussi des variations puissantes entre séduction et répulsion. En 1861, Michelet écrivait encore, je le cite, « Quiconque voit sortir de l'eau la pauvre créature qui prend un de ses premiers bains, qui la voit pâle, hâve, effrayante, avec un frisson mortel, sent la dureté d'un tel essai, tout ce qu'il y a de danger pour certaines constitutions. » La mère de Charles Trenet, interprétée par Françoise Paulet. Alain Corbin, bonjour. Bonjour. Je suis très heureux de vous accueillir à ce micro, parce que pour une génération d'historiens, la mienne, pour beaucoup d'autres aussi, votre œuvre apparaît comme hors de pair, tant vous avez ouvert de pistes inédites et exploré de domaines neufs du côté des sensibilités collectives, de tout ce monde qui est longtemps apparu comme ineffable. Oh, voici un de ces domaines. Et au fond, ce qui frappe, c'est que cet élan vers la mer que nous constatons chaque année, 25 millions de visiteurs français et étrangers dans toutes les communes littorales, qui ne représentent que 4% de l'espace national, que cette ruée vers la mer, elle peut nous apparaître comme éternelle. En fait, elle est très récente. Mais cet élan est un phénomène historique. Un phénomène historique qui est même étonnant si l'on songe que pendant plus de 1000 ans, les grèves, les rivages sont restés des lieux répulsifs, désertés, mis à part les ports, bien entendu, je dirais de la fin de l'Empire romain jusqu'au milieu du XVIIIe siècle. Quelles sont les sources de cette répulsion, les sources historiques, puisque vous parlez d'histoire ? Gros problème, mais elles s'accumulent, si vous voulez, elles s'empilent les unes sur les autres. On pourrait remonter à la Bible et à l'évocation du grand abîme. Par la Genèse. Oui, la Genèse. Dès la Genèse, il n'y a pas de mer dans le paradis terrestre. Et puis, si l'on se réfère à l'Antiquité, bien sûr, les terribles tempêtes, songez au texte virgilien dans l'Énéide, mais presque tous les grands poètes épiques ont utilisé ce thème durant l'Antiquité. Pas seulement chez les Romains, au fond, presque dans les peuples scandinaves aussi. Oui, les peuples scandinaves pour lesquels la mer était peuplée de monstres, précisément. Dès l'Antiquité, c'est le cas. La mer Méditerranée est un abîme répulsif aussi parce que c'est un lieu d'irruption du monstre. Vous pensez d'irruption ou simplement de station du monstre dans l'Odyssée, Charybde et Scylla, mais aussi le lieu d'irruption de l'autre. Le danger vient de la mer. Vient de l'extérieur. Nous rappelons nos classiques, le récit de Théramène, après tout, le ben monstre voilà. Qui vient saisir Hippolyte. Très très bien, très bon exemple de référence classique, mais qui risquerait de nous égarer parce que je suis persuadé que les Scandinaves, encore une fois, les folklores de la Norvège, de l'Écosse, de l'Irlande sont encore plus riches dans le domaine du monstre marin. Ils ont aussi leur Hippolyte enlevé par les monstres. Oui, les Kraken, par exemple, des terribles monstres dont le pauvre monstre du Loch Ness n'est aujourd'hui à l'intérieur d'un lac qu'un maigre héritier. Mais l'autre, c'est aussi l'étranger, c'est aussi l'ennemi. On craint beaucoup toutes ces zones indécises, ces zones éloignées des centres, en quelque sorte, qui échappent à l'autorité, et les rivages font figure de cela. Mais encore une fois, tout est complexe, parce que dans l'Antiquité, chez Horace et chez bien d'autres, la mer, c'est aussi ce qui unit, et par conséquent, ce qui permet... d'une part la richesse, mais aussi les contacts de civilisation. Donc, il y a un mythe à cet égard qui est au fond ambivalent et éclairant voilà. Par rapport à ce que vous dites, c'est le mythe de l'enlèvement d'Europe sur le rivage phénicien, pas par Zeus qui s'est déguisé qui s'est incarné en taureau. Sur son dos Europe avec à la fois le rap par rapport à ses paris, en même temps l'impression qu'on va vers quelque chose de fort. Mais en même temps, il y a d'autres causes, en particulier durant le Moyen-Âge. L'irruption de l'autre, c'est le Normand, soit le Sarrasin, le Normand. Et les pèlerins qui se dirigeaient vers la Terre Sainte, ils s'imaginaient la mer véritablement peuplée de monstres. À l'époque de la Renaissance, on s'intéressait surtout à la mer dans une perspective symbolique. La mer, c'est l'image de la vie, en quelque sorte, la traversée, du moins, est l'image de la vie. Et la terreur commence peut-être de s'effacer ou du moins de s'atténuer. Encore que la crainte des pirates barbaresques, la crainte du mal de mer, la crainte du naufrage persiste. Encore aujourd'hui, après tout, il y a encore les boat people, ce que représente, c'est quelque chose de fort. La mer n'est pas du tout tendre, affectueuse et maternelle à tous égards. Non, mais jamais elle n'a été conçue comme ça. Considérez par exemple le 19e siècle, qui est une grande période de fascination et de désir du rivage. C'est aussi dans le domaine de la littérature, la grande période des tempêtes de de Hugo, et même dans l'œuvre de Jules Verne, que l'on présente toujours comme l'apôtre du progrès et de l'anticipation, le plus net peut-être, c'est que l'homme ne peut pas résister aux forces de la nature, que ce soit le volcan, que ce soit l'ouragan, que ce soit le tremblement de terre. Toute l'œuvre de Jules Verne est parcourue par ces tempêtes, elle aussi. Dès le XVIIIe siècle, après tout, le grand roman fondateur qu'est Robinson Crusoe de Daniel Defoe est marqué par l'idée que le rivage est néfaste. La plage, ce n'est guère que le théâtre des catastrophes dont elle conserve la trace. Oui. Là où le navire vient, et au fond, Robinson n'attend guère de bien de la mer, sauf peut-être vendredi. Non, oui. Effectivement, la mer, c'est le lieu du naufrage, c'est le lieu de l'irruption des sauvages. Donc là, on est tout à fait dans la tradition, ce qui échappe à la civilisation. Et la civilisation que Robinson s'efforce de reconstituer à l'intérieur de son île, c'est vraiment quelque chose d'intérieur. Il a pris possession de l'île. Contre la mer. Sans doute, oui. Il en a dessiné les contours. Il l'a évidemment parcouru. Mais c'est évident. Mais à cette époque-là, au XVIIIe siècle, les tempêtes et les naufrages, c'est un des tout grands thèmes picturaux. Et quand les aristocrates français parlent de la mer, ils parlent d'abord de la mer des marines d'un Vernet, par exemple. C'est ce qui fait dire, je ne sais plus quel des philosophes, qui la première fois qu'il a quitté Paris pour aller à Dieppe, parce que ces gens se rendaient à Dieppe pour voir la mer. C'est Marmontel, je crois. Je suis allé à Dieppe, mais je n'ai pas vu la mer. Alors évidemment, quand on lit ce texte, je demande pourquoi. On est un peu étonné. En fait, il a vu la mer, mais il n'a pas vu la mer en tempête. Il n'a pas vu la mer des tableaux de Vernet, parce que ce jour-là, elle était calme. Ce qui lui permet de dire, je suis allé à Dieppe, mais je n'ai pas vu la mer. Je ne suis pas sûr d'ailleurs que ce genre de fantasme ait tout à fait disparu. Je relevais dans un texte de Théodore Monod, qui est de 1950, une évocation ironique et en même temps sérieuse sur une invasion possible de poulpes géants, les céphalopodes, qui viendraient, si on y prenait garde, un jour envahir la Terre. Bien sûr, c'est un peu métaphorique, mais il demeure dans tout ce qui est l'idée de l'inquiétude de la pollution. Oui, il reste, me semble-t-il, des traces très fortes de cette inquiétude. Bien sûr, tout ça fait partie de la phénoménologie de la pollution dont vous parlez. Je prendrai l'exemple de la dernière tempête. Notre société qui veut à ce propos que les rivages soient à ce point propres souhaite finalement y mettre, j'allais dire, du détergent, y mettre de tous les produits qui pourraient lutter contre le pétrole. Or, il y a de graves erreurs. Par exemple, il ne faut pas nettoyer ni les estuaires, ni les vasières, parce que vous détruisez complètement le milieu. On ajoute le mal au mal, on ajoute le mal. Il n'est pas certain qu'il faille nettoyer le sommet des rochers qui ont simplement été éclaboussés, parce que vous détruisez, ce faisant, des micro-organismes aussi qui sont là. Il n'est pas certain qu'il faille faire sans réflexion des traitements de la végétation des dunes. Or, notre société exige, j'allais dire, impose un nettoiement sévère, drastique. L'Erika, au fond, apparaîtrait comme le dernier avatar de ces menaces auxquelles on réagit par un excès d'obsession de la pureté. Oui, ça peut être lu comme ça. Par exemple, une des grandes, je crois, je ne suis pas un spécialiste, mais c'est ce qui se répète au conseil scientifique du Conservatoire du Littoral. Auquel vous appartenez. Un des grands dangers, finalement, du pétrole de l'Erika, ce n'est pas la stérilité, la stérilisation des milieux, mais au contraire, la prolifération. Parce que le pétrole est absorbé par toute une série de micro-organismes et constitue une sorte d'engrais, si vous voulez, pour me faire comprendre, qui modifie les équilibres, mais il les modifie par une amplification de la fécondité plus que par une stérilisation des milieux. Donc tout ça est très compliqué. L'Erika, c'est aussi un naufrage. Il y a aussi la crainte de la mer dans les flots de laquelle se perdent les humains, l'obsession du naufrage. Sur le rivage où la barque légère est au repos, les enfants jouent loin des yeux de leur mère au matelot. Renouvelons, dit l'un d'eux, l'aventure de Robinson. Ils sont la voile en haut de la mâture, le vent est bon. Et les petits enfants s'éloignent en chantant. Tirez environs, les avirons, et filons en cachette sur l'aviron tirons, que pas on ne s'arrête, ohé, tirons. Mais là-bas, tout là-bas, dans le vent qui soupire, la voix du vieux clocher tinte et semble leur dire. Petits enfants, prenez garde aux flots bleus qui font semblant de se plaire à vos jeux. Les flots berceurs font pleurer bien des yeux. Petits enfants, prenez garde aux flots bleus. Ils sont partis sur la barque légère, les trois petits gars. Ils sont partis se disant que leur mère ne le saura pas. Mais les flots bleus que la brise taquine se sont fâchés. La voile blanche et le mât qui s'incline sont arrachés. Et les petits enfants, joignant leurs doigts tremblants, le regard suppliant et les yeux pleins de larmes, à travers l'ouragan, jette ce cri d'alarme. Maman, maman. Mais là-bas, tout là-bas, dans le vent qui fait rage, la voix du vieux clocher tinte à travers l'orage. Petits enfants, dans les flots furieux, levez vos mains vainement vers les cieux. Les flots berceurs font pleurer bien des yeux. Pleurez, enfants, perdus dans les flots bleus. La légende des flots bleus, chantée par Berthe Silva, une chanson de Christinet de 1931. Alors ça, c'est la concentration de la mer comme menace. Et puis, à partir du début du XVIIIe siècle, on commence à assister à une sorte de mutation qui est passionnante à analyser, une sorte de changement d'esthétique, en attendant que le romantisme vienne à son tour modifier la donne. Alors, qu'est-ce qui se passe au XVIIIe siècle, Alain Corbin ? Bien, il se passe quelque chose qui concerne non seulement la mer, d'ailleurs, mais aussi tous les espaces infinis, c'est-à-dire le désert, la forêt, voire la montagne. Dans le code esthétique du beau, hérité de l'Antiquité, l'illimité n'entrait pas. C'est-à-dire, ce qui était infini était laid, par définition. La beauté, c'était le berceau, la vallée, l'abri. Le clos. Parfois, évidemment, sur lequel pesait une insidieuse menace d'extérieur. Mais c'était ce code qui prévalait. Et comme vous venez de le dire, dès le début, chez certains poètes du XVIIe siècle, mais ça se précise au XVIIIe siècle, le code du sublime vient s'opposer à l'esthétique de la beauté classique traditionnelle. C'est-à-dire que les lieux infinis commencent à apparaître à la fois terribles, émouvants et porteurs, si vous voulez, d'une esthétique qui joue sur l'individu jusqu'au tréfonds de son être. Et le philosophe Kant a théorisé cette émotion que procure à l'homme la vue des spectacles infinis terribles. On est loin de l'infini pascalien, en fait. C'est plus l'infini pascalien. Non, d'une certaine façon. Qui lui font prendre conscience de sa petitesse et qui, en même temps, l'amène à vivre, à éprouver sa communion, si vous voulez, avec les forces indescriptibles de la nature. Et la mer a profité de ça, en même temps que la montagne. C'est ce que vous appelez dans votre livre la stratégie émotionnelle du sublime. Oui. C'est un renversement qui est tout à fait parallèle à un renversement dans l'ordre de la théologie. et qui est peut-être plus important encore. Comment ça? Ça vient en grande partie d'Angleterre, mais pas uniquement, de l'église anglicane, de l'habitude de la lecture des psaumes, de ce qu'on appelle là-bas la physico-théologie, et ce qui en France correspond plutôt à ce qu'on appelle la théologie naturelle. C'est-à-dire que l'homme est intégré à la création qui devient pour lui un spectacle. L'abbé Pluche, qui est un des grands écrivains du XVIIIe siècle, peut-être pas par la valeur de ses écrits, mais par la diffusion de sa pensée, a écrit un ouvrage, Le spectacle de la nature, précisément, dans lequel la nature se déploie sous le regard de l'homme comme une sorte de jardin d'Éden. Dieu, s'il y a des promontoires, par exemple, c'est pour que les navires puissent s'abriter. Donc, dans cette théologie naturelle où toute chose dans la nature est voulue par Dieu, mais pour que l'homme jouisse, en quelque sorte, d'un beau spectacle, pour que l'homme en fasse une sorte de prière, pour que l'homme magnifie la création divine, bon, c'est l'esprit des psaumes, se répand très fortement dans l'Église, qu'on appelle post-tridentine, si vous voulez, et s'accorde... C'est-à-dire après le Concile de Trente. Oui, après le Concile de Trente, et s'accorde un peu ultérieurement à cette montée du sublime. Tout concourt à faire... Regardez, il y a une révolution dans le spectacle, une révolution qu'on pourrait appeler spectatoriale, en quelque sorte, du monde. Et la littérature suit. Parce que pour admirer quelque chose, il faut avoir les mots pour le dire. Il faut avoir la rhétorique pour le dire. Donc nous ne savons que par les mots que cette admiration a pu se développer. Et puis ensuite, il y a l'étape romantique. On passe du rapprochement du spectateur engagé à une sorte d'aspiration, quelque chose comme une fusion avec la nature. Oui, une fusion. Mais ça, c'est l'étape suivante. C'est lié, c'est une étape, tout ça s'enchaîne en quelque sorte. Ce n'est pas dissociable de l'esthétique du sublime, ce que l'on a appelé la cosmisation des romantiques. Ce que vous dites très exactement, ce désir de la fusion avec les forces de la nature est très caractéristique de la poésie romantique. En France, bon, en Angleterre, c'est évident, chez Shelley, par exemple, mais en France, c'est peut-être Chateaubriand qui, dans ce domaine de la mer et des paysages de la mer... Est L'Atlantique, le plus, puis l'Amérique. Oui, et le plus caractéristique, c'est-à-dire à la fois le héros romantique qui arpente les rivages, les cheveux au vent, si vous voulez, qui profite du vent parce que le vent de la tempête correspond à son âme, c'est René, ou ce spectateur romantique qui dont les états d'âme se confondent avec la tempête elle-même. Oui, ça c'est excessivement net chez Chateaubriand, mais là où c'est le plus brillant, c'est sans doute chez Victor Hugo. Les tempêtes de Victor Hugo, alors évidemment les tempêtes des travailleurs de la mer, mais les plus belles tempêtes sont sans doute chez Victor Hugo celles de l'homme qui rit, donc reprend un thème antique, une épopée antique, et en ce qui concerne la poésie française, ou la prose, enfin disons la littérature française, constitue, me semble-t-il, le sommet de ce type d'appréciation. À travers tout le siècle, ça se prolonge encore avec Baudelaire. Dis-moi, ton cœur parfois s'envole-t-il, Agathe, ou bien l'invitation au voyage. France Culture, concordance des temps, redécouverte de l'été, Jean-Noël Jeanneney. Mon enfant, ma sœur, songe à la douceur d'aller là-bas vivre ensemble, aimer à loisir, aimer et mourir. Au pays qui te ressemble, les soleils mouillés de ces ciels brouillés, pour mon esprit on les charme. Si mystérieux de tes traîtres yeux, brillant à travers leurs larmes, là tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Des meubles luisants polie par les ans, décorerait notre chambre. Les plus rares fleurs mêlant leurs odeurs aux vagues senteurs de l'ombre. Les riches plafonds, les miroirs profonds, la splendeur orientale, tout y parlerait à l'âme en secret, sa douce langue natale. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe calme et volupté. Sur ces canaux dormir ces vaisseaux dont l'humeur est vagabonde, c'est pour assouvir ton moindre désir qu'ils viennent du bout du monde. Les soleils couchants revêtent les champs, les canaux, la ville entière, d'hyacinthe et d'or, le monde s'endort dans une chaude lumière. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe calme. Invitation au voyage de Charles Baudelaire, mise en musique par Léo Ferré. Dites-moi, Alain Corbin, comment situeriez-vous ce poème dans le cours de votre analyse sur l'évolution du 19e siècle en face du désir de rivage? Je le situerais comme une transition, si vous voulez. Au romantique appartient dans ce poème les références à l'enfance. On dirait aujourd'hui à la régression, on pourrait plutôt dire aux retrouvailles. La douce langue natale. Oui, la douce langue natale. Le rivage pour les romantiques est quelque chose qui favorise cette réminiscence de l'enfance. Et en revanche, il y a dans le poème évidemment une forte érotisation du lieu. Et là donc, ça symbolise, ou du moins ça marque, le basculement dont nous reparlerons sans doute du thérapeutique vers l'hédonique. Mais parlons-en tout de suite, parce qu'effectivement, l'usage thérapeutique du rivage, c'est encore un aspect très important et intéressant de cette affaire. Ah, c'est ça qui a créé la plage, telle que nous la connaissons aujourd'hui. Alors évidemment, auparavant, on sait que certains individus du peuple, je dis individus, disons jeunes gens surtout, se baignaient, pratiquer le bain de rafraîchissement dans la mer en été. On sait que certains villageois du Pays Basque descendaient à Biarritz une fois par an en été pour se baigner, justement, se rafraîchir et s'amuser. Déjà chez les Romains, après tout, Cicéron, César, ils avaient des villas près de la mer, ils devaient bien se baigner. Ah oui, mais attention, ils avaient des villas près de la mer, ils adoraient la villégiature marine, ils adoraient arpenter les rivages, voir la promenade en barque. Mais ils ne se baignaient pas dans la mer. Alors, en revanche, pour ça, ils avaient les thermes, ce qui est tout à fait autre chose. En revanche, à partir du milieu du XVIIIe siècle, la plage telle que nous la connaissons naît de l'initiative du docteur Russell et de quelques-uns de ses confrères. Étonnant personnage, celui-là. Ah oui, étonnant personnage. Si vous voulez, c'était quelqu'un qui avait ses études d'abord en Hollande, à Leiden, dans une école dirigée par le médecin Bourhave, qui était un médecin d'avant-garde et qui faisait très attention aux glandes. C'est le titre de son livre, Les effets de l'eau de mer sur les glandes. Alors, le docteur Russell, par ailleurs, était un esprit très pieux, qui justement lisait ces psaumes et qui était hanté par le problème du mal. Si Dieu a créé le mal et qu'il est bon, il a dû cacher en quelque sorte dans la nature les moyens de vaincre le mal, et c'est à l'homme de le trouver. Or, qu'est-ce qu'il y a de plus fort dans la nature, de plus spectaculaire que l'immensité de l'océan? Rien. Par conséquent, le docteur Russell pense que cette immensité recèle les remèdes pour guérir le mal. Donc, à la fois la théorie médicale, si vous voulez, et l'idéologie religieuse, enfin, la conviction religieuse, l'ont poussé à envoyer quelques-uns de ses clients, en particulier ceux qui avaient des ganglions, nous dirions, au bord de la mer, évidemment, à la mauvaise saison d'ailleurs, dans des mers à 12 degrés. Hein, c'est un moment fondateur. 12 degrés. C'est un moment fondateur en quelques années. Disons, entre 1750, je sais plus exactement la date, mais entre 50 et 55, à un an près. 1753, le traité. Oui, 53-55, en quelques deux ans, Brighton, la plage à laquelle il envoie ses clients, est devenue très fréquentée, à tel point que le poète Cooper s'exclame qu'il y a des embouteillages, nous dirions aujourd'hui, sur la route qui va de Londres à Brighton. Donc ça a été véritablement un rush. Et la famille royale, a joué le jeu. Chaque membre de la famille royale a créé sa station, les frères du roi George III, le fils du roi George III, le futur régent, le futur George IV à Brighton. Donc chacun a créé sa station, a fait venir d'une certaine façon par snobisme aussi et par esprit d'imitation, les nobles, les gens de talent, etc. Et le 14 juillet, par exemple, je prends cet exemple, 14 juillet 89, j'ai eu la curiosité de regarder ce que faisait George III, alors que Louis XVI, évidemment, avait beaucoup de tracas, du moins, d'occupations. Eh bien, le George III se baignait dans la mer. Le Gentleman Magazine nous le dit. Il se baigne dans la mer et le bain est décrit en une ou deux pages dans cette gazette. Donc, il y a à la fois la mode comme composante, il y a le désir de servir la santé, et puis il y a aussi naturellement du moralisme, comme toujours dans cette médecine. Oui. Lutter contre le mal, c'est aussi lutter contre les zones obscures des pulsions et des désirs. Je vois qu'en 1846 encore, dans son guide médical et hygiénique du baigneur, le docteur Lecoeur recommandait au baigneur durant son séjour, je cite, une grande continence dans les plaisirs de l'amour. Oui, il faut bien comprendre que ces gens ne prenaient pas à la légère le fait de se baigner. Se baigner, c'était une prescription. Il y avait une ordonnance fixant le nombre de bains durant la saison, fixant la durée du bain, l'injonction de sortir au deuxième frisson. Vous avez cité encore un texte de Michelet montrant l'extrême risque que comportait cet exercice. La pauvre créature qui prend un de ses premiers bains. Et par conséquent, on pensait qu'elle pouvait soigner, outre les ganglions, en particulier les maladies de femmes, outre la stérilité, les vapeurs, l'hystérie, et puis tout ce qu'on regroupait à la fin du XVIIIe siècle sous la rubrique de maladies de femmes. Et c'est pourquoi on plongeait les femmes tête à première dans la lame, dans le rouleau. Et c'était un guide baigneur, juré, qui procédait à cet exercice. Et c'était un exercice de suffocation. C'était tête à première, tête à première. La confrontation à l'immensité de l'eau et le désir de faire suffoquer. C'est donc tout ça est thérapeutique. Donc il faut bien comprendre ça. Alors évidemment, la volupté s'accordait assez mal à ça. La volupté, j'allais dire, c'est pour plus tard. C'est pour plus tard sur la plage. On est dans la période, le tournant est là, marqué par le souci de guérir. On est vraiment aux antipodes du plaisir. C'est une épreuve purificatrice et rédemptrice. Oui, mais attention. Ne nous laissons pas abuser par les textes normatifs, par les textes des médecins. Les quelques confidences des journaux intimes nous donnent... ne disqualifie pas tout ce que je viens de dire. Enfin, laisse penser que les prescriptions n'étaient pas toujours suivies avec une extrême rigueur. En revanche, on assiste au cours du XIXe siècle à un glissement progressif du thérapeutique vers le plaisir. Du thérapeutique vers l'hédonique. Il y a quelque chose qui est tout à fait caractéristique. Si vous vous souvenez bien de « À l'ombre des jeunes filles en fleurs », de la recherche du temps perdu. J'essaye. Essayez donc de vous rappeler la position du narrateur. Il est venu soigner son asthme. Oui. Ça, sa grand-mère le tient presque par la main dans l'hôtel de Balbec. À la rigueur, il se permet quelques excursions avec Madame de Villeparisis pour aller voir des églises gothiques. Ça, c'est, nous sommes dans cette première phase, en quelque sorte, de la mer. Donc, il s'intéresse assez peu à la mer. Il incarne le début d'une transition. Mais ensuite, il rencontre une jeune fille à bicyclette, de André Albertine, avec le polo et le tennis. Et on voit très nettement dans la narration le glissement. Il s'occupe plus du tout du reste, j'allais dire, dans la seconde partie du volume. C'est vraiment l'hédonisme qui l'emporte. Il y a le ciel, le soleil et la mer. Il y a le ciel, le soleil et la mer. Allongé sur la plage, les cheveux dans les yeux et le nez dans le sable, on est bien tous les deux. C'est l'été, les vacances, oh mon Dieu, quelle chance. Il y a le ciel, le soleil et la mer. Il y a le ciel, le soleil et la mer. Ma cabane est en planche et le lit n'est pas grand. Tous les jours c'est dimanche et nous dormons longtemps. À midi sur la plage, les amis de notre âge chantent tous le ciel, le soleil et la mer. Chantent tous le ciel, le soleil et la mer. Et le soir, tous ensemble, quand nous allons danser, un air qui te ressemble vient toujours te chercher. Il parle de vacances et d'amour et de chance, en chantant le ciel, le soleil. Vous avez reconnu, j'en suis sûr, Alain Corbin, la chanson de François de Gelt, Le ciel, le soleil et la mer, 1965. C'est permanent ou ça n'est pas? Le soleil, bien sûr, est toujours, mais peut-être pas la façon de le ressentir. Absolument pas. Un baigneur de 1840 n'aurait jamais chanté ça. Il avait très très peur du soleil. Il fallait surtout pas s'exposer directement au soleil. Le premier texte que j'ai trouvé doit dater de cette époque-là, du 130 ou 40. C'est un médecin de Sète, mais révolutionnaire. Il dit peut-être pourrait-on s'exposer quelques instants au soleil. Et alors, à la fin du 18e, dans la seconde moitié du 19e, on voit monter l'appréciation du soleil. Ça conduit d'ailleurs au sanatoria. Vous savez qu'on a construit pour les tuberculeux un grand nombre de sanatoria, ce qui était sans doute une erreur, mais au bord de la mer. Et on voit, au cours du XXe siècle aussi, bien sûr, une mode ascendante du soleil. Arrivée du bronzage, finalement, qui est très datée. Oui, et qui culmine vers 1960, 70. Et aujourd'hui, au contraire, vous savez bien qu'on commence à se méfier du soleil. Oui, le bronzage, donc, s'enracine au XIXe siècle finissant, a profité beaucoup des modes de l'entre-deux-guerres et de l'arrivée des Américains. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, des entrepreneurs de loisirs et puis aussi des modes. Pensez au cinéma américain, tant qu'il y aura des hommes, les plages exotiques, les plages du Pacifique. Il y a une sorte de transfert des plages du Pacifique aux plages d'Occident. Moi, je me souviens avoir été en 1956 au Club Méditerranée. Ah oui, il y a des pionniers, là. À Corfou, nous étions reçus par un ballet de Vainet, qui est tout à fait caractéristique du transfert de l'Océanie du Pacifique dans la Méditerranée. Vous avez la mémoire précise, décidément. Oui, alors effectivement, les stations balnéaires, c'est aussi l'histoire d'un attrait. Vous parliez de Brighton. À partir de l'arrivée du chemin de fer à Brighton, la mode n'est plus d'y aller pour les élites, puisque le vin peuple, surtout, on retrouve une sorte d'anticipation de ce qui va se passer au moment du Front populaire sur les plages françaises. Oui, c'est très précoce. La reine Victoria décide de quitter Brighton. Elle venait chaque année à Brighton jusque vers 1840-41. Elle décide d'aller à l'île de Wight à cause parce que c'est plus possible de résider à Brighton, il y a trop de monde. et les grands aristocrates quittent Brighton. Mais dès les années 30, Charles Dickens a consacré... 1830, oui. Une nouvelle à la plage de Margate, qui est une plage londonienne, qui est une plage ridicule. Dès 1817, Jane Austen, la romancière, rédige un de ses romans, un des moins connus d'ailleurs, Sanditon, qui est la peinture d'une plage ridicule. Déjà, alors que... Oui, 1817. Ridicule. Donc, vous voyez, c'est une longue tradition littéraire, on la retrouve à travers tout notre 20e siècle. Paul Morand est plein de pages ironiques sur les poux de sable ou sur les affreux campings avec des images vraiment apocalyptiques. Il écrit quelque part à propos de cette surpopulation, c'est l'inflation du plaisir universel dans le cauchemar d'un salon nautique permanent. Les canaux pneumatiques gonflables, les radeaux en plastique ajoutent à l'impression d'un naufrage planétaire. Oui, mais ce genre de diatribe ne m'étonne pas du tout, si vous voulez. Il a cette diatribe à sa propre histoire. On la retrouve jusqu'aujourd'hui, en passant bien sûr par 1936 et le recul horrifié des occupants ordinaires des plages devant l'arrivée des congés payés. Qui sans doute était fallacieux. Gabriel Désert, qui a bien étudié les plages du Calvados et les plages normandes, montre bien que le rush s'accomplit au lendemain de la guerre, avec la 4 chevaux Renault, etc., et pas tellement en 36-37. C'est vrai que les étés 36-37, c'est quelques centaines de milliers de visiteurs, mais qui en même temps incarnent pour d'autres quelque chose de neuf et de fort. Mais c'est vrai que c'est pas un brusque changement du très peu à l'immensité du public. Il reste que cette histoire-là, cette histoire des plages, l'histoire des stations balnéaires, c'est aussi l'histoire... d'une certaine idée qu'on se fait de son corps. Oui. Et c'est un autre aspect de notre sujet sur lequel j'ai envie que nous arrêtions un instant. Oui, moi, je me suis beaucoup passionné, si vous voulez, par la généalogie de cela. L'idée, par exemple, que le fait d'avoir des cheveux dénoués et des pieds nus pouvait paraître un plaisir intense aux femmes de la Restauration, aux femmes du début du 19e siècle. C'est assez mystérieux, évidemment, pour nous aujourd'hui. Ça. Et on voit au cours du siècle la dénudation progressive des corps créer des émois successifs. Les hauts talons luttaient avec les longues jupes et nous aimions ce jeu de Dupes et Verlaine. Et je crois que les romantiques ont été très, très, très importants dans ce courant. Les romantiques ont voulu éprouver la plage par tous les sens. Ça revient très souvent dans leur littérature. Louis, l'eau, le bruit des rouleaux, l'odeur des embruns, mais aussi le pied nu sur le sable. Aujourd'hui, on a du mal, j'y reviens, à penser que ça pouvait être quelque chose de révolutionnaire et créer des émois que le fait de se déchausser, d'avoir les pieds nus et de sentir sous la plante du pied le sable humide ou le sable chaud, etc., toute une série de sensations qui ont été dites comme des plaisirs inédits au début du 19e siècle. Avec tout le jeu compliqué des relations qu'on a avec sa propre pudeur et celle des autres. Bien sûr. L'effraction oculaire. Le jeu de l'effraction oculaire. À Brighton, nous dit-on, les collines avoisinantes de la plage où se baignaient les femmes étaient peuplées d'hommes avec des longues vues. Pour essayer d'apercevoir une cheville, des cheveux dénoués dont je parlais, une femme précipitée la tête la première dans l'eau, etc. Donc le jeu de l'effraction oculaire était intense au départ dans le long de ces plages. Et puis évidemment, cela a perdu de son mystère. Le costume de plage, le costume de bain, c'est toute une histoire. Et tout l'effort pour amener les femmes, les baigneuses de la bourgeoisie jusqu'au bord de la mer dans des sortes de petites voitures qui allaient jusqu'au bord et où les récupéraient les fameux maîtres baigneurs dont vous parliez tout à l'heure. Oui, mais il faut bien comprendre qu'au début, il n'y a pas de maillot de bain. Il s'agissait tout au plus de robes très très simples. Donc le guide baigneur qui était juré. Il avait prêté serment, évidemment, de ne pas abuser des femmes qu'il prenait ainsi dans ses bras, parce que le fait d'être prise dans les bras d'un homme, de cette façon, et de suffoquer, si vous voulez, d'être plongée brutalement dans les lames, avait quelque chose d'insidieusement immoral. Donc ces gens prêtaient serment. Et donc la femme était conduite dans une voiture de bain, tirée par des chevaux, jusqu'à une hauteur d'environ 1m30. si vous voulez, dans l'eau. Là, on arrêtait les chevaux, elle pouvait faire une légère toilette, quand même de préparation ultime, et elle était précipitée dans la lame, donc dans les rouleaux, et ensuite, elle regagnait la cabine de bain. Quelques domestiques pouvaient verser sur sa tête quelques seaux, en même temps, une sorte de transition, ça s'appelait la parafusion. Et donc, la voiture de bain regagnait le sable sec. Et là, après avoir fait une toilette à l'intérieur de la voiture de bain, la femme pouvait aller faire une petite promenade sur les dunes. C'était souvent conseillé par les médecins. Avec en même temps le sentiment qu'alentour, un certain nombre de jeunes adolescents pouvaient tourner avec d'étranges émotions. Bien sûr. Mais en même temps, les hommes n'avaient pas du tout le même type de bain. Les hommes se baignaient d'une manière beaucoup plus virile. Ils s'efforçaient de nager dans des nages un peu saccadés, de montrer leur courage, etc. Leur façon d'entrer en l'eau n'était pas la même. Le masculin-féminin, le dimorphisme masculin-féminin était très marqué. Paul Morand, à propos de cette obsession de la différence et de l'obsession de la nudité de la femme, écrit ceci. Une femme nue était pour nous, vers 1910, un spectacle d'une rareté inouïe dont les garçons d'aujourd'hui n'ont aucune idée, et les vagues auxquelles nous tournions le dos étaient moins précipitées dans les convulsions que nos sens à la vue d'une jambe ou d'une épaule découverte. Oui. Je crois que c'est De Gaulle. De Gaulle aussi ? Une citation de De Gaulle des années 30. Je vais peut-être me tromper, mais c'est à peu près ça. Et quand il veut définir notre époque, il dit que notre époque est l'époque des lignes nettes, des lumières fortes, de l'hygiène et des femmes en maillot. C'est une... Toujours ternaire. Dans une lettre ? Non, c'est dans un des deux livres, je ne sais plus, c'est Vers l'armée de métier, oui, je crois que c'est... Mais c'est un des livres de cette époque-là. Je l'avais repéré durant mon service militaire, quand on m'avait fait lire ça. Alors, progressivement... On va vers la nudité par étapes successives. Mmh. Et dans les années 60, le long combat entre les naturistes d'un côté et la pudeur des autres commence à connaître un moment fort. Mais là encore, il y a une généalogie assez lointaine. Le naturisme se déploie sous l'influence de l'Europe centrale, cette fois pas de l'Angleterre. Ah, pourquoi ? Loin des rivages ? Oui, enfin, ça ne concerne pas uniquement les rivages, loin de là, au début du 20e, hein, surtout au tournant du siècle. Et c'est un mouvement qui a été relayé et qui, évidemment, a trouvé au bord de la mer un terrain de privilégié. On ne peut pas comme ça se promener dans la rue. On ne peut pas, même si l'on voulait vivre nu. Et pourtant, sans être impudique au fond, j'avoue franchement que c'est grisant. Nu au soleil, complètement. Nu au soleil. Fait éclater tous les bourgeons. Mes vêtements me pèsent d'une étrange façon. Et soudain, dans mon imagination, je me vois cachée dans les rochers. Nue au soleil, complètement. Nue au soleil. J'ai des visions de vagues et de fruits tropicaux. Quand ces rayons tendrement caressent ma peau, je suis bien et le monde tourne rond. Je ne pense pas, j'ouvre les bras. Au soleil, complètement, nu. Au soleil, complètement, nu. Au soleil, complètement, nu. Au soleil, complètement, nu. Au soleil, complètement, nu. Au soleil. Brigitte Bardot chante « Nu au soleil ». 1970, j'ai envie de mettre cette chanson en contraste avec un texte de Michelet de 1861, Alain Corbin, où il disait « Ajoutez que l'impression du bain, comme si elle n'était pas assez forte, s'aggrave pour la femme nerveuse de la présence de la foule. C'est, je cite Michelet, une cruelle exhibition devant un monde critique, devant les rivales charmés de la trouver laide, devant les hommes légers, sottement rieurs et sans pitié, qui observent la lorgnette en main, les tristes hasards de la toilette d'une pauvre femme humiliée. Oui. Quel choc de contraste. Oui, il y a toute une série de fantasmes aussi chez Michelet. Michelet est un peu horrifié par la femme en maillot sur la plage parce qu'il a l'impression que son animalité est là, en quelque sorte étalée, qu'elle se traîne un peu comme un animal. Il y a d'autres textes que j'ai plus en tête, que toute sa sensualité s'étale sans vergogne, hein, donc en même temps. Donc il n'y a pas que cette crainte du regard de l'autre. En 70, on a l'impression, 1970, on a l'impression qu'on est au bout d'une évolution, et puis 30 ans après, on a le sentiment que les choses sont plus compliquées que ça, non, Alain Corbin ? Oui, c'est ça, parce que entre 1950 et 1970, mais peut-être surtout 1950 et 1960, le désir de la plage est relativement simple. C'est le désir de se faire bronzer, puis d'aller se baigner, d'aller dans l'eau, puis de revenir se faire bronzer, jouer un peu au volley à la rigueur, et puis d'aller danser le soir. Enfin, si vous voulez, il y a quelque chose de très simple. Et aujourd'hui, on assiste à un élargissement considérable de l'éventail des désirs, à tel point que les aménageurs des plages ne savent plus à quel sein se vouer. Comment définiriez-vous cet éventail, alors? L'idée que... Il y a d'abord le négatif, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on ne peut plus se baigner de la même manière. Vous ne voyez absolument plus quelqu'un se lancer pour se baigner au large à 2 kilomètres. Il risquerait de se faire couper en deux par un moteur, etc. Donc, il y a toute une série de pratiques qui ont disparu. La mer redevient dangereuse à cause de... Oui, elle redevient dangereuse. Vous ne voyez personne partir et aller se baigner au large très loin. Ça, c'est la résurgence d'un certain passé. Et d'autre part, vous voyez que chez les jeunes gens et même les jeunes adultes, la mer, le bain de mer a beaucoup moins de faveur que naguère. Les gens qui se baignent sont les enfants ou des gens à cheveux gris dans certaines régions, je pense à la Bretagne. Les autres préfèrent des piscines. Ils sont conscients de la pollution. Donc il y a une adaptation, en quelque sorte une adaptation assez spontanée. Il y a ça, c'est l'aspect négatif. Et puis il y a l'aspect positif que le sociologue Georges Vigarello a bien développé, c'est que le corps devient une centrale de sensations, si vous voulez. D'où l'expression d'ailleurs en sport, retrouver ses sensations. Et la glisse est évidemment une technique qui permet d'éprouver cela d'une manière très très fine. Et le bord de mer est devenu un lieu privilégié de glisse. Alors, évidemment, le voilier n'est pas exactement de la glisse, mais il participe malgré tout, puisque la planche à voile, bien sûr, le parapente, tous ces exercices, le surf, que vous voyez se développer. Difficilement compatible avec la brasse tranquille. Oui, et d'autre part, vous avez d'autres amateurs qui s'intéresseront à la nature dans une perspective écologique, qui veulent des rivages aménagés, sauvages, alors que si on aménage, d'ailleurs la notion d'aménager le sauvage est une contradiction absolue, rêvent de promenades à cheval le long des grèves, de sentiers de randonnée le long des grèves, alors, cette émergence... de motos, de VTT le long des grèves, ne pas, ils veulent voir une nature sauvage tout en l'habillement d'ailleurs, donc voilà déjà deux types de désirs, parce que ce peut-être les mêmes individus qui partagent ce désir, mais qui ne sont pas du même ordre. Arrêtons-nous un instant sur cette émergence écologique, parce qu'au fond, on revoit ressurgir une aspiration à quelque chose comme une pureté, et en même temps, ça n'est pas dénué d'un certain sentiment de sacré devant la mer. Mais bien sûr, dans tout ce que je viens de décrire par rapport aux années 50, il y a des choses qui reviennent au 18e siècle. L'histoire ne se répète jamais, mais des références. La thalassothérapie. C'est précisément ce qui nous passionne dans cette émission. La thalassothérapie qui naît à Roscoff, Rockroom, à la fin du 19e siècle, a connu, alors avec Louison Bobet tout d'abord, et puis bon, Quiberon, et ensuite pratiquement toutes les plages, enfin, toutes les stations, connaît actuellement une vogue. Or, elle est faite de techniques qui sont bains bouillonnants, bains d'algues, douches à jet, etc. C'est ce qui se pratiquait presque au XVIIIe siècle, si vous voulez. Donc, il y a dans le souci du corps un retour au XVIIIe siècle. Vous parliez du sacré, oui, dans le souci de préservation de la nature, de l'écologie, de la communion avec la nature, etc. On retrouve des éléments qui n'étaient plus très forts dans les années 50, du moins, me semble-t-il. et qui renoue d'une certaine façon avec ce que nous avons évoqué à propos de périodes très lointaines. La tradition romantique en particulier, une certaine fusion avec la nature. Oui, avec la nature. Et de la même façon, l'appréciation du vent et de l'eau froide. L'eau, c'était complètement disparu dans les années 50. Plus l'eau était chaude, plus ça valait. Il valait mieux aller d'ailleurs sur la Méditerranée parce que c'était plus chaud. Bon, ça continue pour beaucoup de baigneurs, ce système d'appréciation. Mais on a vu avec la planche à voile, qui a eu une grande vogue, je dirais, dans les années 80, on a vu que la planche à voile renaître la recherche des plages qui étaient appréciées du docteur Russell, c'est-à-dire les plages où il y a beaucoup de vent. Et quand il y a beaucoup de vent, l'eau n'est pas très chaude. Le vent prend sa revanche sur le soleil, d'une certaine façon. Oui, d'une certaine façon, à un certain moment, et pour certaines catégories, le vent prend sa revanche sur le soleil, et on retrouve des modes d'appréciation qui ont bénéficié à des plages qui auraient plu au docteur Russell, si vous voulez, je pense à la Bretagne du Nord. Et donc, D'ailleurs, la géographie de la mode des plages, des lieux de villégiature reflète aussi cette évolution. Oui, bien sûr. Et c'est une bonne chose. Parce qu'aujourd'hui, je dirais que toutes les stations ont leur chance. Pratiquement, que la mer soit très chaude, qu'il y ait du vent, qu'il y ait des rouleaux, qu'il y ait des oiseaux. Parce que à la fin du XVIIIe siècle, on appréciait beaucoup le tourisme, l'observation des oiseaux. Les ornithologues amateurs. En Angleterre, c'était d'une vogue énorme. Or, certains spécialistes du tourisme aujourd'hui pensent qu'un des touristes qui a le plus d'avenir, en pensant aux anglo-saxons, aux américains, aux canadiens qui pourraient venir en Europe, c'est le tourisme ornithologique. Et donc, encore une fois, toutes les stations, aussi bien de la baie de Somme, on ne peut pas se baigner pratiquement, de la baie de Somme à la Bretagne du Nord, de la Corse au rouleau des Landes, toutes les stations ont leur chance, grâce à cet élargissement de l'éventail des désirs, cette complication à laquelle vous faisiez allusion. Eh bien, nous allons terminer sur cet élargissement de l'éventail des désirs. Merci Alain Corbin. Je voudrais rappeler le titre de l'ouvrage que vous avez consacré directement à ce sujet, parmi beaucoup d'autres, « Le territoire du vide ». L'Occident et le désir du rivage, qui est paru chez Flammarion et dont on peut disposer en collection de poche, collection Champ, paru en 1988. Vous avez dirigé un livre qui s'appelle « L'avènement des loisirs », qui est aussi une réflexion collective sur l'évolution des vacances, de 1850 à 1960, qui est paru chez Aubier en 1995. Je voudrais aussi signaler, et ça intéressera tous ceux qui vous ont écouté, un ouvrage d'entretien avec Gilles Heuré que vous venez de publier à La Découverte qui s'appelle « Historien du sensible ». C'est votre contribution à la vogue récente et stimulante de l'égo-histoire. Vous racontez un peu ce que vous êtes et au fond les relations entre votre personnalité et les curiosités qui ont animé votre œuvre d'historien. Je voudrais également, et pour finir, évoquer le livre de Jean-Didier Urbain « Sur la plage, mœurs et coutumes balnéaires, 19e-20e siècle ». C'est un livre utile, je crois. Très intéressant. Toute l'œuvre, d'ailleurs, de Jean-Didier Urbain est de très grande qualité. C'était Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet avec Agnès Chauveau et Cécile Méadel. Réalisation Patrick Molinier, prise de son Sébastien Huel. Documentation, Christine Gage, Florence D'Artois et Nathalie Rouvillain. La mer, mon amour, nous irons voir si les vagues sous le ciel clair roulent toujours. Nous irons voir des souvenirs qui nous enchantent là-bas. Les rochers gris, les oiseaux du paradis qui chantent, qui font bonjour aux enfants, aux amoureux, au soleil. À l'épicière un peu folle dans le Chignon et pareil. Devant la mer près du port, devant le ciel ébloui. Toi et moi, nous deux, rien que nous deux, hein? Oui. La semaine prochaine, nous nous retrouverons autour d'une émission intitulée Avignon, le festival de Villars, en compagnie de Robert Abirachet, d'une émission qui avait été diffusée le 22 juillet 2000. On fera bonjour aux enfants, aux amoureux, au soleil, à l'épicière un peu folle, dans le Chignon est pareil. Devant la mer, près du port, devant le ciel, ébloui, toi et moi, nous deux, rien que nous.